J'aime les brunes, j'aime les blondes, j'aime les filles aux formes rondes. J'aime leurs yeux quand elles me touchent et leur corps quand elles se couchent. J'aime leurs jambes quand elles filent, leur caractère difficile. J'aime leur peau quand elles frissonnent et leur corps quand elles se donnent. J'aime leur bouche quand elles rient, j'aime voir leurs cheveux qui brillent. J'aime leur tête quand elles y songent et leur corps quand elles s'allongent. J'aime, j'aime. J'aime. Est-ce qu'elles aiment quand je les appelle, quand je leur dis qu'elles sont si belles, qu'il n'y a qu'elles dans mes yeux, que le reste importe peu? Et est-ce qu'elles aiment quand je leur parle, la façon dont je les regarde, comme si plus rien n'existait, comme si tout en dépendait? Et est-ce qu'elles aiment quand je les vois comme le seul trésor d'un roi? Est-ce qu'elles savent que mes avances tiendront le temps d'une danse? J'aime, j'aime, j'aime. Elles sont les fleurs du monde, elles sont quelques secondes, elles sont les soirs de fête. Elles sont les fleurs du monde, elles sont quelques secondes, elles sont les soirs de fête, l'objet d'une seule quête. J'aime, j'aime, j'aime. Elles sont les fleurs du monde, elles sont quelques secondes, elles sont les soirs de fête. Elles sont les fleurs du monde, elles sont quelques secondes, elles sont les soirs de fête. D'exister, les sentir respirer, blottis au creux de mes bras. J'aime les savoir dans mes draps, j'aime l'idée qu'elles se réveillent, qu'elles s'arrachent à leur sommeil avec le cœur regonflé par la nuit qu'elles ont passée. J'aime les voir se préparer à affronter la journée avec mon nom dans leur tête. J'aime les filles honnêtes, j'aime, j'aime. J'aime les filles quand elles sont sûres, j'aime leur visage sans peinture. J'aime les filles naturelles qui ne se cachent pas pour être belles. J'aime leur poitrine menue, j'aime aussi les plus charnues. J'aime les voir comme des icônes, pas des sacs de silicone. J'aime les filles pour ce qu'elles sont, sans part, sans obligation. J'aime les filles au saut du lit, bien avant qu'elles se maquillent. J'aime, j'aime. Elles sont les fleurs du monde, elles sont quelques secondes, elles sont les soirs de fête. Elles sont les fleurs du monde, elles sont quelques secondes, elles sont les soirs de fête. Elles sont les fleurs du monde, elles sont quelques secondes, elles sont les soirs de fête. Elles sont les fleurs du monde, elles sont quelques secondes, elles sont les soirs de fête, l'objet d'une seule quête. J'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime.